friends are settling down. They're only kids, but they're married. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire Minute Bonheur. Les mardis à 8h et 13h30. Aujourd'hui, c'est d'un sujet que j'ai très légèrement survolé, dont j'ai eu envie de vous parler. Quelque chose de concret pour pouvoir enfin vivre exactement de la façon dont on le souhaite. Certains portent le culte du destin, mais je suis l'une des personnes comme beaucoup d'autres qui pensent que rien n'arrive au hasard. Paul Éluard disait déjà « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». J'ai aujourd'hui eu très envie de vous parler de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Ça serait ce désir que l'on imagine tant, la projection de ce que l'on souhaite tant vivre, qu'à un moment donné de notre vie, ceci arrive à nous. Toutes vos pensées, vos émotions, vos sensations, vos impressions changent la vibration qui va générer une énergie dont vous allez profiter. Cette vibration est dans chaque être, chaque animal, chaque végétal et même les objets en possèdent une. Vous avez le pouvoir de l'attraction au moment même où vous écoutez ces mots. Ce pouvoir est inné, quoi que vous fassiez. Avec ce pouvoir, vous attirez à vous tout ce qui se passe dans votre vie, de positif ou de négatif, les événements, les rencontres, les pensées. Vous avez autour de vous un espace invisible, c'est votre bulle, celle-ci contient toutes vos vibrations accumulées. La loi de l'attraction peut s'expliquer de manière scientifique. Il y a plusieurs décennies, des chercheurs ont fait cette découverte. Notre monde est composé d'atomes qui est l'élément le plus petit qui existe sur la planète. Tout est composé d'atomes. La technologie permit un jour d'aller plus loin et de voir ce qu'il y avait au sein d'un électron, d'un proton, d'un neutron, du noyau. Et devinez ce que les chercheurs ont découvert ? Physiquement, le monde est principalement constitué de vide. Ceci est un fait. Néanmoins, les scientifiques ont pu mesurer d'autres éléments avec leur instrument. Et ils ont découvert que chaque électron émet une vibration, encore appelée fréquence vibratoire. Ces fréquences vibratoires ont un pouvoir immense. Elles sont plus petites que tout ce qui existe sur Terre et peuvent alors tout traverser. Tout est vibration, tout est énergie en mouvement à chaque instant. La loi de l'attraction est une loi naturelle de l'univers qui peut s'expliquer de deux façons. Premièrement, une explication pour le cerveau droit, imaginatif et intuitif, qui est « Nous attirons ce à quoi nous pensons le plus souvent. » Pour être plus précis, ce serait ce que nous vibrons, la vibration émise étant le sentiment qui associe la pensée et l'émotion. Ensuite, une explication pour le cerveau gauche qui a besoin de comprendre, par A plus B, comment cela fonctionne de façon rationnelle. Et les expériences scientifiques montrent que deux vibrations identiques s'attirent irrémédiablement dans l'univers. À présent, intéressons-nous à notre cerveau. Le cerveau est une fantastique machine qui a des ressources incroyables. Et voici pourquoi. Notre cerveau, et ceci est également prouvé scientifiquement, est un émetteur et un récepteur de vibrations. Ainsi, nous avons la possibilité, nous le faisons d'ailleurs en permanence, d'émettre des fréquences vibratoires vers l'extérieur par notre attention et nous en recevons en retour. Le cerveau nous permet de nous brancher sur une certaine vibration et attire donc son équivalent vibratoire. Ensuite, c'est l'émotion associée qui va donner de la puissance à cette vibration et lui donner un plus grand potentiel de réalisation. Maintenant que vous avez tout suivi, tout compris sur cette loi de l'attraction, voici quelques conseils pour appliquer tout ça et enfin avoir cette vie que l'on souhaite, pour aller bien et faire le bien autour de soi. On peut commencer par se détendre, notre corps, notre esprit. On fait le vide pendant 5 à 10 minutes. Mettez votre chanson préférée, peignez, jouez avec votre animal de compagnie ou pensez à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez et qui vous met de bonne humeur. Fermez les yeux et attardez-vous sur cette idée. Ces choses s'appellent des changeurs de fréquence. Quand nous demandons et souhaitons que quelque chose se produise, il faut pouvoir être sûr de soi, consciemment, et précisément sûr de ce que l'on souhaite. Si vous n'êtes pas sûr, l'univers ne captera pas une fréquence claire et ne vous enverra pas les résultats désirés. Donc faites en sorte de faire preuve d'enthousiasme pour ce que vous demandez. Envoyez une image mentale de ce que vous voulez à l'univers. Voyez cette chose comme si elle était déjà vôtre. Plus votre vision sera détaillée, mieux ce sera. Si vous voulez un job, visualisez-vous en train d'évoluer dans le rôle que vous souhaitez avoir et de ce que vous devriez faire au sein de ce job. Si ce que vous voulez est cette personne pour laquelle vous avez le béguin, visualisez-vous en train de marcher avec elle, de la toucher, de la caresser ou même de l'embrasser. Vous avez compris l'idée? Écrivez votre souhait. Commencez en écrivant « Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que… » et finissez la phrase ou le paragraphe en disant à l'univers ce que vous voulez. Écrivez au présent comme si vous aviez déjà la chose en question. N'usez jamais de termes négatifs, car cela inversera la demande. Chaque jour, jusqu'à ce que votre vœu ait été réalisé, fermez les yeux et imaginez votre désir comme s'il était en train de se produire à l'instant même. Ressentez-le. Dès maintenant, sentez la manière dont vous allez vous sentir une fois votre vœu exaucé. Vous devriez agir, parler et penser comme si vous étiez déjà en train de le recevoir. C'est l'étape la plus importante et la plus puissante quand vous utilisez la loi de l'attraction. Car c'est là que ça commence à marcher. Si vous faites cela, il se peut même que vous ayez l'impression de ne plus avoir besoin de cette chose, car vous aurez l'impression qu'on vous l'a déjà donné. L'univers manifestera alors cette pensée et vous recevrez ce que vous voulez. La reconnaissance. Écrivez, dites ou visualisez tout ce que vous avez déjà reçu. Il est important d'être pleinement conscient de tout ce que vous avez aujourd'hui la chance d'avoir ou de vivre. Ne cherchez pas ce que vous avez demandé. C'est en général là que l'on fiche tout en l'air. Si vous épiez l'arrivée d'un événement qui vous montrerait que votre vœu est en train de s'exaucer, vous envoyez un message à l'univers que vous ne possédez pas cette chose et vous n'attirez au final que le fait de ne pas l'avoir. Soyez patient. Ne vous énervez pas si tout ce que vous avez demandé n'arrive pas du jour au lendemain. Ne vous énervez pas pour savoir comment les choses vont arriver. Laissez l'univers le faire pour vous. Voilà pour ces minutes bonheur d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une vie merveilleuse, remplie de joie, d'abondance et d'amour. À très bientôt. Somewhere.